Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On peut être debout tous, s'il vous plaît. Comme à l'unisson, comme un seul homme. Essaie de vérifier que le voisin est debout. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, nous avons besoin que la gloire de Dieu vienne dans notre vie. Mais la gloire de Dieu ne vient pas dans notre vie comme un prestige. Ce n'est pas un prestige, ce n'est pas un manteau, ce n'est pas un ornement. La gloire de Dieu vient dans notre vie de manière opérationnelle. Dieu vient dans notre vie et il est opérationnel. Cette gloire vient dans notre vie et elle doit être opérationnelle. C'est pourquoi tout le monde en a besoin. Mais nous avons vu qu'il y a des choses qui nous empêchent, qui nous retiennent, qui font qu'on n'avance pas vers cette gloire-là. Nous voulons que cette gloire vienne. Mais il y a des limitations. Il y a des limitations qui sont dues ou proviennent quelquefois des choses que l'ennemi a semées dans notre système de fonctionnement, qui proviennent des résidus de péché, des résidus, des attitudes malsaines ou des choses sournoises que l'ennemi a semées dans notre pensée. Ça provient de certaines attitudes malsaines, de telle manière que tu te retrouves et quelquefois tu es surpris toi-même que tu es en train de poser un acte malsain. Et tu te dis, mais c'est qui fait ça? C'est vraiment moi? Oui, c'est toi qui le fais. Parce que quelque chose te rattrape. Mais qu'est-ce qui te rattrape? Quelques restes. Tu t'es repenti, tu as donné ta vie au Seigneur, c'est vrai. Mais il y a des trucs qui restent encore dans ta vie et qui nécessitent un travail de fond. Un travail de fond. Un travail de fond. Nous ne pourrons pas arriver à expérimenter la gloire, la kabod de Dieu avec des résidus de ténèbres dans notre vie, dans nos cœurs, avec des restes de ténèbres, avec des trucs qui nous ramènent et qui nous confondent quelquefois. Dans la cité, on ne sait pas si tu es chrétien ou non. Mais à l'église, tu es bon chrétien si tu sais bien adorer. À la maison, chez toi, on te retrouve pas. Souvent, on te retrouve pas. On se demande si c'est vraiment lui ou non. Peut-être que tu occupes même une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a des restes. Il y a des semences maléfiques. Et nous avons vu au courant de la semaine qu'il faut que nous puissions nous débarrasser des choses qui indignent Yahweh. Il ne faut pas qu'en même temps nous voulons Dieu, en même temps il y a des choses en nous qui l'indignent. Le Seigneur était en train de me montrer cette nuit qu'il y a beaucoup de gens ici dans la vie desquels il y a des choses qui sont calmes en eux. Et ça ne vient pas à surface à tout moment. Tu peux faire un mois, tu es correct, tu as l'impression que tout va bien. Et puis paf, ça surgit. Ce matin, nous voulons prier. Chacun va rentrer dans les méandres de sa vie. Chacun va aller avec le feu de Dieu pour consumer, pour détruire tout. toutes ces fondations, tous ces fondements, toutes ces choses qui existent même dans ce que tu peux appeler ta vie inconnue. Maisha yako yenye haujui. Ta vie inconnue. Il y a quelque chose qui existe là-bas. Et qui font que tu te retrouves en train de convoiter la femme d'autrui. C'est si facile. C'est si facile. Et après, tu te surprends. Tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Dans Ésaïe chapitre 66, verset 12. Verset 15. Regardez cela et nous allons prier avec ce texte. Si tu as ça dans ta Bible, tu prends ça dans ta main. Il est écrit, allons-y, 1, 2, 3. Car voici l'Éternel arrive. Est-ce que vous êtes là? Allô? Moukouako? Verset 15. Vous avez trouvé? On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Car voici l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuera, que tuera l'Éternel, seront en grand nombre. C'est par le feu. L'Éternel arrive dans un feu. Et quand nous chantons tout à l'heure, Shushamo Toako, quelquefois on chante la beauté du cantique, on ne se rend pas compte que c'est vrai. Dieu intervient aussi par le feu. Dieu convertit ses colères en feu. Dieu convertit ses jugements en feu. Tu vas appeler ce feu-là. Dans le tréfonds de ton être, dans les méandres, dans les sillons de ta vie, dans les chemins de ton cœur, afin que le feu de Dieu détruise ce qui reste, tous ces résidus du mal. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dites, Seigneur mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, tel que je suis. Voici. Je veux ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Mais Seigneur, il y a des choses qui me retiennent. Je veux avancer, mais je n'arrive pas. Je veux ouvrir mon cœur à toi, mais le cœur est encombré. Je veux faire un pas de géant, mais je n'arrive pas. Ce matin, je t'appelle à mon secours. Je t'appelle dans ton feu. J'appelle ton feu dans les méandres de mon cœur, dans les chemins de mon cœur. Dieu vivant, consume, viens et détruis toutes ces choses, tous ces résidus, tous ces restes de l'ennemi dans ma vie. Mais t'as, vas-y, prie, tu connais les méandres en question, tu connais les résidus en question, tu connais ça. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Tu ne sauras pas accéder à la gloire tant que tu es retenu comme une chèvre attachée. Arashata kabakabasheta keriabosheterebo shintarabazaya kokerebo sakaraba. Par le feu! Le Dieu qui intervient par le feu, intervient par le feu, le feu, le feu, le feu. Yahweh, tu interviens par le feu, tu interviens par le feu. Est-ce que tu es en train de prier? Si tu n'arrives pas à prier, c'est que c'est cette chose qui même maintenant est en train de t'empêcher de prier. Cette chose est maintenant en train de t'empêcher de prier. Si tu n'arrives pas, c'est que tu as besoin d'appeler le feu. Oh Dieu, par le feu! Par le feu! Par le feu! Par le feu! Libère-moi, Seigneur! Libère-moi, Seigneur! Libère-moi, Seigneur! Ce résidu d'attitude, ce résidu de comportement, ces résidus inconscients, ces résidus auxquels tu ne te rends pas compte. Je détruis ces méandres, je détruis ces fondations, je détruis ces restes, je détruis ces restes par le feu, je détruis ces restes par le feu, ce reste de convoitise, ce reste de convoitise par le feu. Yaba Santa Raba, Ikakaraba Sekere Genese, Kiria Santa Raba, Santa Raba, Ayano la Canambo. Quelqu'un se libère, Ayano la Canambo. Quelqu'un se libère par le feu de Dieu. Quelqu'un se détache. Quelqu'un se détache par le feu. Quoi, Jina la Yesu? Je détruis les fondements. Je détruis les résidus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu n'a pas plus d'intérêt à autre chose que de libérer sa gloire dans ta vie. Dieu n'a pas d'autres intérêts. Il n'a même pas d'intérêt avec ton argent ou tes sacrifices. Il a besoin que tu jouisses de sa gloire. Il veut habiter en toi. Il veut venir régner dans ta vie. Dieu, et nous avons été dans cette année des avancées irrésistibles. Il nous reste 3-4 semaines dans ce parcours. Alléluia. Regarde avec moi. Tu tournes quelques pages derrière, là où nous étions. Ésaïe 45. Nous voulons prier. Comme Dieu intervient par le feu, s'il y a quelque chose qui te résiste encore ce matin, cette chose, tu dois t'en occuper. Il faut que tu t'en occupes. L'année des avancées, des mes avancées irrésistibles. Mes avancées irrésistibles. Le texte parle de Cyrus, c'est un roi étranger, mais qui a obtenu la grâce insondable. Tu es dans la grâce insondable en ce moment. Et Dieu l'appelle un oint. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Alors, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je briserai les portes de bronze, je mettrai en pièces les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu reconnaisses que c'est moi l'Éternel qui t'appelle par ton nom, les dieux d'Israël. Je briserai les portes de bronze. Je mettrai en pièces les verrous de fer. Quels sont ces verrous qui te résistent encore à descendre? Quelles sont ces portes qui refusent de s'ouvrir? Les dieux qui viennent par le feu. Le Dieu qui intervient par le feu ce matin veut briser ses portes. Ce matin veut aller avec toi dans tes avancées, dans cette montée. Lève nos mains et prie avec moi. Dites, oh Dieu, en année de mes avancées irrésistibles, je refuse de finir l'année comme ça. Rien n'a le droit de me résister. Aucun démon, aucune circonstance, aucun diable, aucune principauté n'a le droit de m'arrêter. Quiconque se dresse sur ma route sera écrasé. Maintenant je me lève au nom de l'Éternel, par la puissance du nom de Jésus-Christ, pour briser les portes de bronze et détruire les verrous de fer. Quiconque me résiste doit tomber à cause de moi. Vas-y, prie maintenant. Prie. Il doit tomber. Il doit tomber. Ses portes doivent s'ouvrir. Mes portes doivent s'ouvrir. Qu'est-ce que cette sorcellerie qui te résiste? Qui sont ces féticheurs qui s'élèvent contre toi? Qui sont ces sorciers qui se sont ligués? Quels sont ces esprits de montagne, esprits de lac ou de mer? Qui sont ces esprits qui se sont ligués contre toi? Lève-toi et avance. Brise les verrous de fer. Brise les portes de bronze. Brise, écrase toute hauteur. Les montagnes chancelleront. Les collines seront ébranlées par la vertu du nom de l'Éternel. Le Dieu des cieux convertit ses jugements en feu. Que le feu de Dieu consume ces verrous. Que le dernier verrou de cette année cède. Les derniers verrous de ta route. Les derniers verrous de ta vie tombent. Les derniers verrous de ton parcours cède au nom de Jésus. Quel est ce verrou? Quel est ce verrou de fer? Quelle est cette porte de bronze? Elle doit céder. Les côtés où l'Irabaga, Paris Sali gauche, Parata Karoche, Ise Katobila Zaya, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tu cèdes, verrou de fer dans la vie de cet homme, tu cèdes, verrou de fer, porte de bronze dans les affaires de cette femme, tu cèdes, porte de bronze, maladie, tu cèdes, disposition impure, mari de nuit, femme de nuit, tu cèdes maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je te kota gozabaya baba, je te redugiluzia, pakaroseya, te katikori baba, te kolazaya kababa, te kerezia, tu dois céder, tu dois céder, tu dois céder, tu dois céder, oh takakosaka, même s'ils se lèvent contre toi, ils tomberont, quiconque se lèvera contre toi, tombera à cause de toi. Il doit céder. Maladie, tu dois céder. Tu dois céder. Pauvreté, tu dois céder. Célibat, tu dois céder. Tu cèdes. À partir de maintenant, tu cèdes. Tu cèdes de la part de l'Éternel. Tu cèdes misère. Tu cèdes misère. Tu cèdes misère intérieure. Tu cèdes misère morale. Tu cèdes. Lève les mains, remercie Dieu pour sa victoire dans ta vie ce matin. Commence à le bénir. Dis-lui merci Seigneur, j'ai la victoire en toi. Jésus, merci. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. La victoire est de mon côté, au nom de Jésus-Christ. De mes ennemis, il me montre le dos. Quelqu'un voit le dos de ses ennemis, en train de prendre la fuite, en train de déguerpir et de libérer ton chemin. Tes ennemis libèrent le chemin. Tes ennemis sont en train de libérer. Et il lâche les verrous. Et il lâche ton passage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un crie alléluia. Alléluia. Encore plus fort, alléluia. Alléluia. Les saluts. La gloire et la puissance sont à notre Dieu encore une fois. Alléluia. Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Des cris de joie, des cris de victoire, des cris de victoire à notre Dieu. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Asseyons-nous devant le Seigneur. Dis à ton voisin que toi, tu es déjà victorieux. Oh, dis-lui sérieusement, non? Dis-lui. Il faut qu'il soit convaincu. Dis-lui de sorte qu'il soit convaincu. Qu'il soit convaincu. Gisuna niona hapa mimi niko mushindi. Tel que tu me vois, je suis victorieux. Alléluia. Alléluia. Alors hier, nous vous avons remis un bout de papier. Qui était là hier, s'il vous plaît? Il y a eu un grand handicap, la pluie hier, et beaucoup de gens ont été empêchés. Qui était là hier? Qui n'était pas là hier? Hey, c'est la majorité. Alors, nous avons remis ceci, j'en ai parlé le vendredi ou le jeudi. C'est-à-dire les attitudes qui indignent Yahweh chez les siens. Chez les siens. Et ceux qui n'étaient pas là, on vous remet ça. S'il vous plaît, le protocole, remettez ça rapidement. Nous avons vu, est-ce qu'on peut lever les mains, que le protocole vous voie? Ok, protocole, faites ceci, donnez le lot dans chaque rangée. Et celui qui n'a pas reçu, il tire une copie et remet le reste. Ça va aller plus vite. Donnez dans chaque rangée. Vous remettez le reste pour ceux du troisième culte. Nous avons vu qu'il y a des attitudes qui indignent Dieu. Lorsque nous prétendons avoir besoin de sa gloire, mais il y a des choses qui nous empêchent d'y arriver, parce que Dieu n'est pas content de notre attitude. Et nous avons parlé sur l'inattention envers ses prescrits au pluriel. Il y a quelques fautes de frappe. Nous avons parlé de l'inattention envers sa personne, envers la personne de Dieu. Nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Nous avons parlé de l'attachement syncrétique à d'autres dieux minuscules. Ce mélange avec des idoles, des hérésies. On est chrétien en même temps. À la fin de l'année, la famille fait des réunions, des coutumes où on va aller sacrifier aux idoles et les chrétiens vont avec eux. Le syncrétisme, tout est bon, Dieu est bon, Satan est bon. Ces attitudes indignent Dieu. Nous avons parlé aussi d'approcher Dieu sans sincérité ni authenticité. On approche Dieu comme si on ne l'approchait pas. On n'est pas authentique devant Dieu. Nous avons également parlé de la négligence et notre appartenance à Yahweh. On néglige, on sait qu'on appartient à Dieu, mais on néglige cette réalité-là. Parce que quand je suis conscient que j'appartiens à Dieu, ma vie doit être différente. En fait, même mon fonctionnement change. J'appartiens à Yahweh. Je ne suis pas n'importe qui. Et aussi le manque de constance à diriger notre cœur vers l'Éternel. Être focalisé. On n'est pas constant lorsqu'on cherche Dieu. Nous cherchons Dieu et de temps en temps nous l'abandonnons. On n'est pas constant. On a déjà compris qu'on a besoin de Dieu. Quelquefois, on les cherche. On peut faire un mois, on est en train de chercher Dieu, puis le mois suivant, on est dans autre chose. Ces choses indignent Dieu. Et les répétitions dans le mal. Aujourd'hui, on est chrétien, demain, on tombe. L'après-midi, on tombe, on se répand. Vers 4 heures, on tombe encore. Et nous avons dit qu'il faut travailler sur soi-même. Et à la page suivante, vous avez ma réponse à Dieu. Écrivez ce que vous répondez par rapport à ceci. Qu'est-ce que vous répondez à Dieu? Quel engagement vous prenez? Quel acte vous posez? Amen. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, durant la semaine, nous avons commencé de parler de attire Dieu et sa gloire dans ta vie. Nous avons partagé sur beaucoup de choses, mais autour d'un chapitre, la conscience du besoin de la gloire de Dieu dans ma vie. Et depuis mardi jusqu'à vendredi, nous avons parlé de ça. La conscience du besoin de la gloire de Dieu dans ma vie. Prenez les audios, prenez les supports chez les médias et nous ne saurons pas revenir dans cela. Amen. Mais comme hier, il y a eu beaucoup d'absents, pour que les uns et les autres ne soient pas pénalisés, si vous avez été là hier, vous allez peut-être mieux comprendre ce qui vous a échappé hier. On va essayer au premier culte. Il a été demandé que je fasse une petite révision et puis qu'on avance, mais ça n'a pas été possible. Permettez-moi de rentrer dedans. Alléluia. Vous voulez? Il y a 3 personnes qui veulent. Vous voulez? 40%. Donc on peut passer. Qui veulent? Ah, ok. Il faut m'encourager. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé à parler des facettes. C'est-à-dire, lorsque je veux la gloire de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que c'est que cette chose-là que je veux? Je parle de quoi? Quand Moïse dit dans Exode 33, verset 14-15, quand Moïse dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Tu parles de quoi, Moïse? Cette gloire-là, c'est quoi? Et nous voulons partager et explorer la gloire de Dieu en lui-même. La gloire de Dieu en Dieu. Et si Dieu nous donne le temps demain ou après-demain, nous serons en train de continuer sur la gloire de Dieu dans la vie de son bien-aimé. Cette gloire de Dieu, quand elle se retrouve dans la vie du bien-aimé de Dieu. Mais ce matin, nous voulons parler de la gloire de Dieu en Dieu. Où la gloire de Dieu avec lui-même. Alléluia. Dieu est glorieux. Dans le psaume 139, verset 6, il est écrit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Dieu, ou la gloire de Dieu, est une science tellement élevée que l'homme, que nous sommes limités, nous ne pouvons pas la saisir, l'appréhender parfaitement, l'appréhender au maximum. Une science au-dessus de la portée humaine. Quelqu'un a dit, celui qui veut comprendre la Trinité avec son intelligence deviendra fou. Mais celui qui rejette cela perdra son âme. Parce que Jésus a dit dans Jean, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez. C'est une science élevée de la connaissance de Dieu. Dieu, viens dans ma vie. Dieu, apporte-moi ta gloire. Seigneur, cette gloire-là, c'est quoi? Est-ce que je comprends ce que je demande? Alléluia. Alléluia. Alors, en prenant ce premier point, la gloire de Dieu en lui-même, nous la comprenons premièrement sous trois aspects, c'est-à-dire cette gloire est constituée de l'être de Dieu, elle est constituée de la personne de Dieu, elle est constituée de la puissance de Dieu. Quand j'ai dit, Seigneur, que ta gloire vienne dans ma vie, je suis en train de dire, Seigneur, que ton être vienne dans ma vie, que ta personne vienne dans ma vie, que ta puissance vienne dans ma vie. Je suis en train de dire que ce que tu es, Dieu, ce que tu es, vienne dans ma vie, habite dans ma vie. Dieu, que ton être vienne, que ta personne vienne, que ta puissance vienne. Dieu, viens dans ta gloire. Mais c'est quoi cela, l'être de Dieu? On pourrait dire en swahili, utu wa Mungu, l'être de Dieu. Dieu dans son être. Quand nous parlons de l'être de Dieu, nous sous-entendons trois facettes de l'être de Dieu. C'est-à-dire, comment est l'être de Dieu? Comment Dieu est? Qu'est-ce qui constitue l'être de Dieu? Au travers des Écritures, nous constatons ceci, que Dieu est, ou l'être de Dieu est infini, ou quand on parle de l'être de Dieu, on parle de son infinité, infini, Dieu infini. Quand on parle de Dieu, on parle de sa déité. Quand on parle de Dieu, on parle de sa souveraineté ou de son indépendance. Parlons de l'infinité de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Celui qui est, qui était et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, mais qui était et qui vient. Le Dieu infini, c'est ce Dieu qui était avant qu'elle le alpha jusqu'à oméga soit. Suivez-moi attentivement. Dieu était ou Dieu est avant que le présent commence. Dieu est avant que l'histoire commence. En mathématiques, on nous parle de la ligne de temps, de moins infini jusqu'à plus infini. La science dit que quand il n'y a pas matière, il n'y a pas de temps. Le temps commence avec la matière. Allô? C'est quand la matière existe que le temps commence à compter. Et quand la matière cesse d'exister, le temps aussi finit d'exister. Et donc, si nous pouvons dire alpha et oméga, c'est que nous sommes dans le temps. Maintenant, qui engendre le temps? S'il y a eu alpha et qu'il y aura oméga, et que Dieu dit, je suis, j'étais et je serai. Nous nous retrouvons dans un schéma à trois parties. La première partie, c'est le temps où le temps n'existe pas. Parce que la matière n'est pas encore là. Parce que l'être suprême, Dieu, n'a pas encore engendré la matière. N'a pas encore créé la matière. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et lorsque la matière commence, ça commence à compter. Qui est la source de la matière pour que le temps exista? C'est celui qui était là avant. Et ce n'est pas Satan, ce n'est pas un ange, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le seul qu'on appelle Yahweh. Il a dit à Moïse, va dire à mon peuple, celui qu'on appelle je suis. J'ai l'impression que ce je suis de Dieu, c'est un je suis qui traverse le temps précédent, le temps actuel et le temps après. Il dit je suis. Et nous disons l'infinité pour Dieu. Comme un Dieu infini n'est pas une notion de ligne de temps. Parce que si je trace une ligne, c'est que nous avons un seul moins infini et un seul plus infini. Mais comme Dieu est infini, c'est que on peut avoir le moins infini ici et le plus infini là-bas. On peut avoir le moins infini là-bas et le plus infini là-bas. Regardez même ce mystère de la terre. À ce moment, il est 10h35 ou 40. Nous sommes sur une globe qui est une boule. Buenas fiwe. Et tu es assis sur une chaise. Mais à ce moment, sur le globe, nous on est ici. Au même moment, il y a des gens qui sont ici. Buenas fiwe, est-ce que vous me suivez bien? J'ai dit, pendant que tu es assis ici maintenant là comme ça, il y a quelqu'un qui est assis ici comme ça. Et il y a quelqu'un qui est assis aussi de ce côté là comme ça. Il ne penche pas. La manière dont Dieu crée les choses, il les crée avec, en fait, comme il est infini dans tous les sens. Ça veut dire son infinité balaye partout. Les plus infinis, moins infinis, et puis même en haut, en bas, à gauche, Regardez un peu le soleil qui envoie ses rayons dans tous les sens. Ça peut nous donner un peu l'image du Dieu infini. Il envoie ses rayons infinis, plus infinis, de partout. Dieu, Dieu, il est infini. Dieu, tu es infini. Personne ne sait d'où tu étais venu. Comment tu as commencé à être là? La Bible dit, il n'a ni commencement, ni fin. Mais commencement dans quel infini et dans quel plus infini? Commencer par là, vers là. Commencer par là, vers là. Tu as commencé comment? Et tu finis où? Et tu vas où? Heureusement, c'est Dieu dans son être, dans son infinité, a aussi une personnalité. Mais Dieu, l'être de Dieu, comme deuxième facette de son être, c'est la déité. C'est-à-dire, il est Dieu. Il est Dieu. Laissez-moi vous dire que vous ne saurez jamais définir ce que c'est que Dieu. Il est Dieu, c'est-à-dire, il est un mystère. Mais pour mieux dire ça, il faut dire qu'il est le mystère. Parce que les autres mystères peuvent être décrispés ou déchiffrés par lui, les grands mystères. Quand le diable amène des mystères dans ta vie, il suffit d'apporter ces mystères-là devant les grands mystères, devant les grands mystères, et le grand mystère va expliquer tous ces petits mystères. Joseph, présenté devant le roi Pharaon, lui dit, je vais consulter Dieu qui comprend les mystères. Alléluia. Daniel à Babylone a le même terme. Donnez-moi 3 jours avec mes amis. Nous allons consulter l'Éternel, lui qui connaît les mystères. Pourquoi toi tu connais les mystères, Yahweh? Parce que toi-même, tu es le mystère principal. Laisse-moi te dire, ton Dieu est un mystère. Mon Dieu est un mystère. Déjà, le fait qu'il est un mystère constitue sa gloire. Sa gloire. Autrement dit, le fait de prendre conscience de ce mystère-là, déjà nous met à genoux. Ou les met, lui, à sa place. Je vous ai dit hier, lorsque David, entouré d'une grande armée, intronisé avec toutes les capacités de frapper les Philistins, va consulter l'Éternel, parce qu'il connaît que cet éternel-là est Dieu. Il connaît le mystère. Là où je vais au front, les hommes disent toujours, c'est facile de commencer une guerre, mais on ne sait pas comment elle va finir. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça? Tu peux avoir l'armée et toutes les puissances, les mirages, hein, c'est pas les Yana et toutes ces choses que vous connaissez aujourd'hui. Et tu veux aller au front contre quelqu'un, contre une armée. Fais gaffe. Il peut y avoir des mystères de l'autre côté. Et David est conscient de ça et dit, attention, vous êtes là mon armée, d'accord, je suis fier de vous. J'ai les hommes vaillants, c'est bon. mais je vais aller consulter l'Éternel. Et nous avons répété hier, David consulta l'Éternel. Deux, David consulta encore l'Éternel. Et trois, David fit ce que Dieu lui a demandé de faire. Et trois, la renommée de David. On peut acclamer le Seigneur. La renommée de David s'accrut au point qu'il devint redoutable. Dieu fit de David redoutable dans toutes les nations. Et vous allez vous rendre compte que cette redoutabilité de David subsiste jusqu'aujourd'hui en Israël. Israël, redoutable. Osez les attaquer. Essayez. Ça a commencé là-bas. Pourquoi tu es redoutable, David? Je consulte l'Éternel. Je consulte encore l'Éternel. Je fais ce que l'Éternel me dit. Essaie d'appliquer ça dans ta vie. Tu vas voir que la gloire de Dieu va venir dans ta vie. Parce que Dieu cherche ce genre d'hommes et de femmes. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à fonctionner de cette manière-là. Je vous ai dit hier, qu'est-ce qui vous arrive quand vous arrivez dans votre bureau et que vous savez que vous maîtrisez tout dans ce bureau? Est-ce que vous consultez l'Éternel? Lorsqu'on t'offre un poste, directeur, ministre, ADG, DGA, vous consultez l'Éternel? Je disais à la chorale, lorsque vous avez fini toutes les répétitions, est-ce que vous avez encore besoin de dépendre de Dieu? Oui. Qui sait que tous les cantiques que vous avez préparés ne conviennent pas pour l'objectif de Dieu d'aujourd'hui? On peut avoir préparé les meilleurs cantiques que l'on connaît, avec toute la beauté, et plus avec les personnes qui savent, qui sont au micro, et ceux qui savent danser, comme mon frère. Lui, c'est comme s'il pédale quand il danse. Il pédale. Voilà, c'est fini, oui. Tu peux avoir toutes les assurances humaines et te présenter devant un front et rencontrer des mystères. Si tu avais consulté les grands mystères, il t'aurait révélé qu'aujourd'hui n'y va pas. Il a dit quelquefois à Israël, aujourd'hui, laissez les armes à la maison. Partez seulement les mains vides. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et j'aime l'Éternel. C'est Yahweh ici infini. Il est écrit, pendant qu'il commençait à louer l'ennemi, s'est mis à s'entraider pour se tuer. Il y a des guerres qui sont belles. Est-ce que vous voyez la beauté de ça? C'est-à-dire, tu es allé devant tes ennemis, les sorciers se sont réunis. Ils ont dit, on va éliminer tel. On va les manger à Noël. Et puis Dieu, toi tu as consulté Dieu. Et il t'a dit, ok, tu vas, te laisse tout, sois seulement là. Et puis ils commencent à associer eux-mêmes à s'entrer manger. Mouchaou wa kwanza anaua wa pili. Wa pili anaua wa tatu. Kuna baki ya moe, anakuya tubu. On a tout bonine. Non, on a fait la réunion, ça fait 3 mois, on allait te vider, on allait te supprimer. Alors, voilà, et puis, en tout cas, pardonne-moi que je ne vais pas mourir. Tu ne veux pas mourir? De quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Non, on voulait te manger. Hein? Où sont les autres? Ils sont déjà morts. Qui les a tués? On ne comprenait pas ce qui arrivait. Vous avez voulu toucher au mystère. Est-ce que tu peux toucher au mystère qui est à côté de toi là? En fait, si Dieu est en toi là, hein, le mystère est en toi. Le personnage infini est en toi. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous recevons Christ. Nous recevons le mystère. Et ce matin, ne rentre pas avant d'avoir reçu Jésus-Christ. Je te conjure au nom du Seigneur. Ne rate pas le mystère. Ne le rate pas. Quand tu n'as pas le mystère, tu seras surpris par beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas t'étonner de constater, hein, on dit à Lingala, makambo eleke liyo. Chaque jour, eleke la kaka kayo. Eleke la kaka kayo. Likambonini. Ba mystère ya mokilioyo. Mais cherche le vrai mystère. Ce vrai mystère sera capable de t'aider à découvrir les pièges, les stratégies, les malices, les maléfices. Et à te préserver. Parce que lui, en tant que mystère, il connaît tout. Le mystère. Je suis en train de parler de la déité. Dieu est un mystère. Ça constitue une facette de la gloire que nous cherchons. Va poser la question à cette armée qui s'entretue. Et puis Israël vient ramasser les butins. S'il y a un rescapé, va lui poser la question. Qu'est-ce qui vous est arrivé là dans votre camp? Certainement, il n'a pas de réponse. Mais s'il a la révélation, on lui aura dit, il y avait des gens qui chantaient de l'autre côté. Et on attendait ces chants-là, d'une certaine manière, et on a commencé à s'entraider à mourir. Moukassaïdiane, Koumalizane. Pas d'insuffi, oui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer un Dieu comme ça? Un Dieu comme ça mérite de bonnes acclamations. Vraiment. De bonnes acclamations. Un Dieu pareil. Ils s'entraidèrent à s'entretuer. La troisième facette de l'être, nous sommes encore au niveau de l'être de Dieu. La troisième facette, c'est la souveraineté ou l'indépendance de Dieu. L'être de Dieu ne dépend de personne. Pourquoi? Premièrement, parce que l'être de Dieu est là avant que personne n'existe. L'être de Dieu ne dépend pas de l'existence qui est maintenant là. Dieu, dans son être, je vais mieux dire, Dieu n'est pas mieux Dieu à cause de l'existence de l'univers. J'ai dit ça autrement. La présence de l'existence de l'univers n'est pas ce qui fait de Dieu Dieu. C'est-à-dire, univers ou pas univers, Dieu est déjà Dieu. C'est ça qui donne le sens de sa souveraineté. Il ne dépend de personne. Il est indépendant. C'est vrai que c'est lui qui a engendré l'existence. C'est lui qui a créé la matière. Même l'air, c'est de la matière. Alléluia. C'est lui qui a créé la matière. Mais ce n'est pas cette matière qui fait de lui Dieu. Il est indépendant. Il est souverain. Il est souverain. Et ce facteur-là révèle la gloire de Dieu. L'infinité révèle la gloire de Dieu. La déité révèle la gloire de Dieu. La souveraineté et l'indépendance révèlent la gloire de Dieu. Tout ceci mis ensemble, c'est le premier aspect, c'est la première facette de la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'être de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous recevons Jésus, disais-je, Jésus est Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, le Saint-Esprit est Dieu. Je vous ai parlé d'Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, 19. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire la plénitude du Père, la plénitude du Fils, la plénitude du Saint-Esprit. Toute la plénitude de Dieu. Vous soyez remplis de Dieu. Comment sommes-nous remplis de Dieu? Au travers de son Fils. Mais nous avons dit, beaucoup ont reçu Christ. Pour ceux qui étaient là la semaine, rappelez-vous, nous avons dit que nous expérimentons la gloire de Dieu à différentes échelles. À différentes échelles. Selon la mesure de notre conscience du besoin de cette gloire et la mesure de notre implication à chercher cette gloire, à aller vers cette gloire, à pénétrer cette gloire-là. Plus tu es encore rattaché à des choses, plus tu vis dans le péché, plus tu es dans des choses qui te retiennent, tu ne sais pas faire assez d'escaliers vers la plénitude de la gloire. La plénitude de la gloire. Tu peux passer 5 ans, 20 ans, 50 ans aux premières échelles de la gloire. Tout ce que l'on sait de toi, tu es chrétien. Mais quand les sorciers du quartier ont une fête et qu'ils veulent manger un bras de quelqu'un, ils mangent ton bras. Parce que tu n'as pas assez de poids de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas assez de kabod de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin voudrait dire, je ne sors pas d'ici avant de donner ma vie au Seigneur, parce que c'est le premier pas vers la gloire. Il est écrit, les hommes ou les femmes sans Christ, les paroles de Dieu c'est une folie pour eux. Et Paul dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu es regardé comme un animal aussi longtemps que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu, même dans son échelle le plus inférieure, il n'y a rien chez toi. Il n'y a rien chez toi. Bon, est-ce qu'on peut se lever pour prier? On va continuer au courant de la semaine de ces autres aspects de la gloire. Et puis, il y a encore beaucoup de matière. Si vous pouvez vraiment obtenir grâce à votre travail, venez vite et participez. Ça va vous faire du bien. Frères et sœurs, nous nous levons devant Dieu. La gloire. La première facette de la gloire de Dieu, nous venons de parler, c'est l'être de Dieu. L'être de Dieu. L'être de Dieu. Tu es tout pour moi. Sans toi, je